Je mélange du jaune et du bleu. J'aurai la couleur de tes yeux. J'aurai alors un joli vert, comme la couleur des yeux de mon père. Et si j'ajoute un peu de blanc dans la couleur des yeux de maman, j'aurai alors un bleu plus clair, la couleur des yeux de mon petit frère. Si je mélange toutes les couleurs, j'aurai la couleur des yeux de ma sœur, car le mélange de tous les tons me donnera un joli marron. Joli vert, comme la couleur des yeux de...